nuit viendra, alors parlera Dieu des bongos dans les grands bambous. Tam tam va partout, prenez garde à vous. Ce soir c'est pour nous, fête à vaudou. Si Dieu ce soir pour venger pauvre noir te choisit, toi perdre espoir et plus jamais revoir ton pays. Blanc caché là-bas, où toi priez tout bas, Dieu des bongos, devant la maison du blanc. Soudain le chant s'éteignit et le tam-tam redoublant. Il monte vers toi, Dieu des bongos, maison du blanc, fais bien flamber au vent jusqu'au jour. Au doux content, si blanc rester dedans pour toujours. Dieu des bongos.